Dans le milieu du siècle dernier, pour recevoir sa maîtresse, un président du Parlement de Paris fit construire une petite maison, Faubourg Saint-Germain, rue Plumet. Cette maison se composait d'un pavillon avec un jardin. Ce logis communiqué par derrière, par une porte masquée et ouvrant à secret, à l'extrémité solitaire de la rue de Babylone. Au mois d'octobre 1829, un homme d'un certain âge s'était présenté et avait loué la maison telle qu'elle était, y compris bien entendu l'arrière-corps de logis et le couloir qui allait aboutir à la rue de Babylone. Ce locataire était Jean Valjean, la jeune fille était Cosette. La servante était une fille appelée Toussaint. Il avait loué la maison sous le nom de Monsieur Ultime Fauchelevent, rentier. Pourquoi Jean Valjean avait-il quitté le couvent du Petit Picpus? Que s'était-il passé? Il voyait Cosette tous les jours. Il sentait la paternité naître et se développer en lui de plus en plus. Il couvait de l'âme cet enfant. Il se disait qu'elle était à lui, que rien ne pouvait la lui enlever, que cela serait ainsi indéfiniment, que certainement elle se ferait religieuse. Mais il se disait aussi que cet enfant avait le droit de connaître la vie avant d'y renoncer, que lui retrancher d'avance, et en quelque sorte sans la consulter, toutes les joies, sous prétexte de lui sauver toutes les épreuves, profiter de son ignorance et de son isolement pour lui faire germer une vocation artificielle, c'était dénaturer une créature humaine et mentir à Dieu. 5 ans de séjour entre ces 4 murs du couvent et de disparition avaient nécessairement détruit ou dispersé les éléments de crainte. Il pouvait rentrer parmi les hommes tranquillement. Quant à l'éducation de Cosette, elle était à peu près terminée et complète. Une fois sa détermination arrêtée, il attendit l'occasion. Elle ne tarda pas à se présenter. Le vieux Fauchelevent mourut. Jean Valjean offrit à la communauté des religieuses, comme indemnité des 5 années que Cosette y avait passées, une somme de 5 000 francs. En quittant le couvent, Jean Valjean prit lui-même sous son bras et ne voulut confier à aucun commissionnaire la petite valise dont il avait toujours la clé sur lui. C'était la première et quelquefois l'unique chose qu'il emportait dans ses déménagements. Cosette en riait et appelait cette valise l'inséparable, disant « J'en suis jalouse ». En même temps, il loua 2 autres appartements dans Paris, afin de moins attirer l'attention que s'il fût toujours resté dans le même quartier. Ces 2 appartements étaient dans 2 quartiers, très éloignés l'un de l'autre, l'un rue de l'Ouest, l'autre rue de l'Homme Armé. Tous les jours, Jean Valjean prenait le bras de Cosette et la menait promener au Luxembourg. Aucun étranger n'entrait dans la maison de la rue Plumet. M. Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. 3 ou 4 fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction. Cet homme avait pour idéal, au-dedans, l'ange, au-dehors, le bourgeois. Quand Jean Valjean sortait avec Cosette, il s'habillait comme un ancien officier. Lorsqu'il sortait seul, il était toujours vêtu d'une veste et d'un pantalon d'ouvrier et coiffé d'une casquette qui lui cachait le visage. Jean Valjean avait laissé le jardin inculte, et ce jardin, ainsi livré à lui-même, était devenu extraordinaire et charmant. Il semblait que ce jardin, créé autrefois pour cacher les mystères libertins, se fût transformé et fût devenu propre à abriter les mystères chastes. Cosette était sortie du couvent encore presque enfant. Son éducation était terminée, c'est-à-dire on lui avait appris la religion, et même et surtout la dévotion. Mais, du reste, elle ignorait tout. Quant à Jean Valjean, il y avait bien en lui toutes les tendresses de la foi et toutes les sollicitudes. En quittant le couvent, Cosette ne trouvait rien de plus doux et de plus dangereux que la maison de la rue Plumet. Jean Valjean lui livra ce jardin inculte. Elle aimait son père, c'est-à-dire Jean Valjean, de toute son âme, avec une naïve passion filiale qui lui faisait du bonhomme un compagnon désiré et charmant. Cosette adorait le bonhomme. Elle ne se rappelait que confusément son enfance. Quand elle songeait le soir avant de s'endormir, comme elle n'avait pas une idée très nette d'être la fille de Jean Valjean et qu'il fût son père, elle s'imaginait que l'âme de sa mère avait passé dans ce bonhomme et était venue demeurer auprès d'elle. Lorsqu'il était assis, elle appuyait sa joue sur ses cheveux blancs et il laissait silencieusement tomber une larme en se disant « C'est peut-être ma mère, cet homme-là. » Cosette, quoique ceci soit étrange à énoncer, dans sa profonde ignorance de la fille élevée au couvent, la maternité d'ailleurs étant absolument inintelligible à la virginité, avait fini par se figurer qu'elle avait eu aussi peu de mères que possible. De son côté, Jean Valjean était heureux. Quand Cosette sortit avec lui, elle s'appuyait sur son bras, fière, heureuse, dans la plénitude du cœur. Jean Valjean, à toutes ces marques d'une tendresse si exclusive et si satisfaite de lui seul, sentait sa pensée se fondre en délices. Le pauvre homme tressaillait, inondé d'une joie angélique. Il s'affirmait avec transport que cela durerait toute la vie.